citation du hadith de l'alliance des Mutayyibin ou des Fudul que certains prennent comme preuve pour le fait de se juger par les tribunaux du Tarout. Nous allons parler de ce hadith au point de vue de sa chaîne de transmission et du point de vue de son sens. Pour ce qui est de la chaîne de transmission, l'imam Ahmed dans son Musnad a dit « Bishr ibn al-Mufaddal nous a dit d'après Abdurrahman ibn Ishaq, d'après Zuhri, d'après Muhammad ibn Jubayr, d'après son père, d'après Abdurrahman ibn Auf, que le prophète a.s.w. a dit « J'étais témoin de l'alliance des Mutayyibin ainsi que mes oncles à l'époque de ma jeunesse et je n'accepterai pas d'avoir du bétail rouge contre mon retrait de cette alliance. » Ibn Hajar, rahmatullah, a dit dans son livre « Talkhis al-Kabir » le hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était présent lors de l'alliance des Fudul et rapporté par al-Bayhaqi d'après le hadith de Talha ibn Abdullah ibn Auf al-Zuhri, mais il est morsel. Il a rapporté aussi par al-Humayri dans son Musnad d'après Soufyan ibn Abdullah ibn Abbakr, mais morsel aussi. Il a été rapporté également par al-Harith ibn Abi Usama. Abu Utaiba a dit dans son livre al-Gharib, l'étrange. L'explication de Al-Fudul, d'après ce que Ahmed ibn Hibban al-Bayhaqi ont rapporté selon le hadith de Abdurrahman ibn Auf, et d'après le hadith de Abu Huraira, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « J'étais témoin de l'alliance des Mutayyibin ». Et à sa fin, il n'était pas présent au moment de cette alliance, car elle s'est déroulée avant sa naissance. Mais l'alliance à laquelle il a assisté était en fait l'alliance des Fudul, et celle-ci ressemblait à celle des Mutayyibin. Al-Bayhaqi a dit « Je ne sais pas si c'est Abu Huraira l'auteur de cette explication ou quelqu'un d'autre dans la chaîne de transmission. » Mohammed ibn Nasr a dit « Certains historiens ont dit dire dans le hadith qu'on a déjà cité qu'il s'agissait de l'alliance des Mutayyibin est une erreur, mais c'était l'alliance des Fudul, car l'alliance des Mutayyibin s'est déroulée bien avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pour cela que Ibn Hadi a dit que ce hadith n'est pas sahih. » Je dis, l'auteur de ce chapitre, dans le livre il y a une autre faiblesse. Car on trouve dans sa chaîne de transmission Abdurrahman ibn Harith al-Madani. Les gens de la science ont dit à son égard. Abil Hassan al-Darqutni a dit Abdurrahman ibn Ishaq, connu sous le nom de Abbad, accusé d'Al-Qadr, innovation faible dans le hadith. Il a rapporté les hadiths de Az-Zuhri. De Abu Muhammad ibn Abi Hatim a dit « J'ai demandé à mon père, Abu Hatim, à propos d'Abdurrahman ibn Ishaq, il a dit « Il est nommé Abbad ibn Ishaq al-Madani qui est venu al-Basra. » On peut écrire son hadith mais sans le prendre comme preuve. Son statut est presque le même de celui de Muhammad ibn Ishaq, l'auteur de As-Sira. Il est bon dans le hadith mais sans qu'il soit fort. Muhammad ibn Ismail al-Bukhari a dit « Lorsqu'Abdurrahman ibn Ishaq va à l'encontre de ce que rapportent les bons rapporteurs du hadith, on délaisse ce qu'il rapporte. Cependant, il est acceptable en dehors de cela. » 4. Salih ibn Ahmed a dit « Mon père, l'imam Ahmed, m'a dit « Abdurrahman ibn Ishaq n'est pas fort dans le hadith, mais on peut écrire ce qu'il a rapporté. » 5. Al-Ijri a dit « Pas fort, mais on peut écrire son hadith. » 6. Yahya al-Qattan a dit « J'ai demandé aux gens de Médine leur avis sur Abdurrahman ibn Ishaq et ils m'ont dit de mauvaises choses à son égard. » 7. Ali ibn al-Madini a dit « Abdurrahman ibn Ishaq avait la croyance d'Al-Qadr et les gens de Médine n'ont pas pris les hadiths qu'il a rapportés. » 8. Ismail ibn Ibrahim « J'ai demandé à Médine sur Abdurrahman ibn Ishaq, on ne m'a pas dit du bien sur lui. Il n'avait pas d'élève à part Moussa al-Zami'a. » Dernier a rapporté certains hadiths d'Abdurrahman ibn Ishaq dans lesquels on peut voir qu'il mélange lorsqu'il rapporte les hadiths. La deuxième faiblesse dans le hadith, c'est le fait que seul Abdurrahman ibn Ishaq a rapporté le hadith d'après Zuhri, alors que les élèves connus de Zuhri ne l'ont pas rapporté. Et ceci est une preuve que la chaîne est étrange, munkar, surtout après les avis des savants cités auparavant et qui ont dit à propos d'Abdurrahman ibn Ishaq qu'il était faible. Son hadith peut être écrit sans pour autant qu'il soit une preuve en lui-même. Et c'est pour cela qu'Al-Bukhari n'a pas inclus son hadith dans son sahih, excepté dans le cas où il désirait s'en servir comme témoignage pour les autres hadiths, mais pas pour les hadiths de base. On trouve dans le livre Al-Hilal les faiblesses de l'imam Ahmed dans les questions rapportées par son fils Saleh. Saleh a dit « J'ai demandé à mon père sur Abdurrahman ibn Ishaq comment il était. » Ahmed a répondu, dans ce qui a été écrit de son hadith, on trouve qu'il a rapporté le hadith de Zuhri, lequel personne parmi les élèves de Zuhri n'a été rapporté. Puis il a cité le hadith de Mohammed ibn Jubayr, de l'Alliance des Mutayyibin, et il a dit, personne, mis à part lui, ne l'a rapporté. Al-Hilal, Ahmed ibn Hanbal, volume 1, page 50. Ce hadith était rapporté aussi par Ibn Hibban, dans son Sahih, avec une autre chaîne de transmission. Il a dit, Al-Hassan ibn Soufyan nous a dit, Mu'alla ibn Mahdi, Abu Awana nous a dit, d'après Omar ibn Abi Salama, selon son père, selon Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je n'étais présent qu'à l'alliance des Mutayyibin, parmi les alliances de Quraysh, et je n'accepterai pas d'avoir du bétail rouge en contrepartie de son délaissement. Dans les Hilal d'Al-Darqotni, à propos de ce hadith, on a posé la question à Darqotni sur ce hadith, il a répondu, ce hadith est rapporté d'après Abu Awana. Ce hadith est rapporté d'après Abu Awana, d'après Omar ibn Abi Salama, mais avec une certaine différence. Car Mu'alla ibn Mahdi l'a rapporté d'après Omar, d'après son père, d'après Abu Huraira. Et les autres l'ont rapporté d'après Abu Awana, d'après Omar, d'après son père avec Irsel, c'est-à-dire sans citer Abu Huraira. Et la deuxième version est plus correcte que la première, voire dans Hilal al-Darqutni, volume 9, page 302. Et ce hadith est faible aussi pour les raisons suivantes. Il est cité dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était présent lors de l'alliance des Mutayyibin, ce qui est faux, comme nous l'avons déjà prouvé. Il y a divergence entre les rapporteurs du hadith. Il y a ceux qui l'ont rapporté Mursel, sans citer le compagnon d'Abu Huraira, d'autres comme Mu'alla ibn Mahdi, prolongent la chaîne de transmission jusqu'à Abu Huraira, et la version qui est Mursel est la plus correcte comme l'a stipulé Darqutni. C'est pour cette raison qu'il l'a cité dans son livre Al-Hilal et l'a jugé faible. Le rapporteur Omar ibn Abi Salama est dans la chaîne. Abu Salama, c'est Abdullah ibn Abdurrahman, voir sa biographie dans le Tarikh Dimashq. Abi ibn Madini a dit, Omar ibn Abi Salama est faible. Son hadith a été rapporté par Sa'd ibn Ibrahim et Abu Awana et Ushaym. Cependant, Shu'ba a délaissé son hadith. Al-Ahwas et ibn al-Mufaddal al-Ghalabi a dit, d'après son père, Abu Abdurrahman, que Shu'ayba considérait Omar ibn Abi Salama comme faible. Abu Muhammad ibn Abi Hatim a dit, j'ai demandé à mon père à son propos. Il a dit, pour moi, il est bon à la base, mais il n'est pas fort. On peut écrire son hadith sans qu'il soit une preuve en lui-même. En plus de cela, il a rapporté parfois ce que les autres n'ont pas rapporté. Yahya ibn Ma'in a dit, Omar ibn Abi Salama, duquel Kaïm a rapporté son hadith, est faible. Et ce que certains amis m'ont déclaré. Muhammad ibn Sa'd a dit, Omar ibn Abi Salama ibn Abdurrahman ibn Auf ibn Abdurrahman, dont le nom de la mère est inconnu, et de la quatrième génération parmi les rapporteurs de Médine, son hadith a été rapporté par Abu Awana et Hushaym. Il a rapporté beaucoup de hadiths sans pouvoir prendre comme preuve ce qu'il a rapporté. Tout ce qui a été rapporté ci-dessus est lié aux chaînes de transmission et aux faiblesses apparentes de ce hadith, sans compter quelques faiblesses du côté du matin, le contenu, le texte. En ce qui concerne le sens du hadith et la possibilité de le prendre comme preuve pour ce sujet, on voit qu'il est vraiment étonnant de dire que ce hadith est une preuve qui nous permet le jugement chez les Tawarids. Pourquoi délaisser les preuves sans équivoque sur ce sujet qui interdit cet acte et prendre à la base ce hadith ambigu sans ses chaînes de transmission et dans son sens ? Pourquoi délaisser les preuves sans équivoque à ce sujet qui interdit cet acte et prendre à la place le hadith ambigu dans ses chaînes de transmission et dans son sens ? Avant de démontrer que ce hadith ne pourra jamais être une preuve pour notre sujet, nous allons voir tout d'abord quel est au juste le contenu de cette alliance. Ibn Kathir, rahimahullah, a dit dans son livre Al-Bidayah wa Al-Nihayah, volume 1, page 696. Ils ont dit, les historiens, l'alliance des Fudul s'est déroulée 20 ans avant le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam au mois de Dhul-Qa'da, 4 mois avant la guerre des Fijar. Car cette guerre a eu lieu au mois de Sha'ban de la même année. L'alliance des Fudul était l'alliance la plus noble chez les Arabes. Le premier qui a appelé à cette alliance était Az-Zubayr ibn Abd al-Muttalib, en raison d'une personne de la tribu de Zubayt qui est venue à la Mecque portant une marchandise afin de la vendre. Al-As ibn Wail a acheté cette marchandise, mais sans la payer. Alors le propriétaire de la marchandise demanda de l'aide pour récupérer son bien. Cependant, au début, ses efforts furent vains. Il monta alors sur la montagne de Abu Qabis et lança un appel au secours. Il fut entendu par les gens autour de la Kaaba. Zubayr ibn Abd al-Muttalib était parmi les gens qui l'ont entendu et dit « Celui-là n'est pas à délaisser ». Alors il rassembla les tribus de Hashim, Zahra et de Taym ibn al-Mura dans la maison de Abdullah ibn Jahdan, où ils mangèrent et firent une alliance afin de faire face à l'injustice et de défendre les opprimés. Les Qurayshites ont appelé cette alliance « Alliance des Foudoul », qui veut dire « Alliance du bien ». Le premier exploit des gens de l'alliance, après qu'elle eût été conclue, fut la récupération des biens de la personne qui appela au secours auparavant. Qasim ibn Thabit a dit dans son livre « Gharib al-Hadith », le hadith étrange, une personne de la tribu de Kahtam est venue pour le pèlerinage et celle-ci était accompagnée par sa fille qui était d'une beauté extrême. Elle s'appelait Al-Qatul. Nabih ibn Hajjaj s'empara de la fille. Le père demanda alors de l'aide et on lui conseilla d'aller voir les auteurs de l'alliance des Foudoul. Il cria alors devant la Kaaba « Au secours, gens de l'alliance des Foudoul !» Aussitôt, les gens de l'alliance se précipitèrent vers lui et il leur raconta son histoire. Ceux-ci se dirigèrent vers la maison de Nabih et lui dirent « Tu sais qui nous sommes ? Et tu es au courant de l'alliance que nous avons conclue ?» Ils lui demandèrent alors de relâcher la fille. Nabih répondit qu'il le ferait, mais il leur demanda de lui laisser pour une nuit. Ils refusèrent. La fille fut alors relâchée aussitôt. Il y a ceux qui ont dit que l'alliance des Foudoul est semblable à l'alliance de la tribu de Jurhum, dont le but était aussi la défense des opprimés. Ceux qui appelèrent à cette alliance étaient au nombre de 3 parmi leurs nobles et leur nom était Fadl, Al-Fadl ibn Fudala et Al-Fadl ibn al-Wada', Al-Fadl ibn al-Harith, d'après la version d'Ibn Qutayba. D'autres ont dit Al-Fadl ibn Jarwa', Al-Fadl ibn Bada', Al-Fadl ibn Qatha, Al-Fadl ibn al-Qatha, et d'après la version d'Al-Suhayli. Telle était la nature de l'alliance des Foudoul et de ceux qui l'ont conclue. Ils étaient un groupe d'associateurs qui se sont rassemblés afin de défendre les opprimés et de faire face aux injustices, qui est un principe islamique recommandé. Comment comparer ces personnes avec celles qui jugent entre les gens avec les lois des Tawarites et vers qui les gens viennent demander justice ? Ces individus sont semblables aux devins de Juhayna et de Ka'b ibn Ashraf et aux autres Tawarites qui jugent avec autre que la loi d'Allah. À ces personnes-ci, nous avons 2 questions à poser. La première, est-ce que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith s'applique sur Ka'b ibn Ashraf et les devins de Juhayna et les autres Tawarites chez qui se faisaient juger les gens d'Al-Jahiliya? Si vous dites oui, nous allons vous demander pour quelle raison. Si vous répondez que Ka'b ibn Ashraf et les devins de Juhayna sont des injustes acceptant les dessous de table, nous vous demandons, si Allah nous a demandé de mécroire à ces Tawarites et de ne pas se faire juger par eux à cause de ce que vous avez dit, ou parce qu'ils sont des Tawarites, et si on ne les rejette pas, ou si l'on se fait juger par eux, notre islam est-il vain? Ceci est une première question. La deuxième, si vous dites, nous nous faisons juger par eux, quand ils sont justes et corrects et non pas lorsqu'ils sont injustes. Nous demandons alors, quelle est votre preuve sur cela? Allah nous a interdit de se faire juger par eux. Il nous a bien montré que celui qui se fait juger par eux ne les a pas rejetés. Et il ne nous a pas montré de différence entre celui qui se fait juger par eux quand ils sont justes et celui qui le fait quand ils sont injustes. Celui qui prend ce hadith comme preuve se trompe car les gens de l'Alliance n'étaient pas des Tawarites, mais un groupe de personnes qui défendaient les opprimés. On doit donc faire la différence entre celui qui se dirige vers les notables et les gens qui ont du pouvoir pour demander une aide ou du secours ou de la protection et celui qui se fait juger par des justes tawarites qui sont adorés sur terre et qui appliquent la loi du tarout, ceci étant de la mécréance. Le musulman doit donc faire attention à cela. Il ne doit pas se précipiter et doit bien comprendre et avoir de la science avant de pouvoir parler. Sinon, il dérapera, regrettera. Mais il sera trop tard.